Seigneur mon Dieu, en toi je me réfugie. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, que l'ennemi ne me déchire comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Si j'ai commis l'injustice, si le mal habite mes mains, qu'on foule alors ma vie dans la poussière. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère. Réveille-toi face à la fureur de mes adversaires.